Bonjour, ici Valérie Levet au micro de CKRL 89.1 et c'est l'heure de Futur Simple, votre magazine de culture scientifique. On va aborder aujourd'hui une discipline dont on parle très peu souvent, la linguistique. Et en même temps, nous ferons un petit exercice pour juger si les propositions énoncées par des experts sont scientifiques ou non, c'est-à-dire si elles s'appuient sur la science. Ce sera à 18h30 avec le linguiste Lionel Menet. Mais en attendant, on part dans une toute autre direction, celle des jumeaux numériques, et on en parle avec Éric Harvey, qui est directeur des technologies immersives et jumeaux numériques au CIMI, ça c'est le Centre en imagerie numérique et médias interactifs. Bonjour Éric. Oui, bonjour Valérie. Alors Éric, tu es déjà venu plusieurs fois à Futur Simple, mais pas en tant que directeur technologie immersive et jumeaux numériques. Tu es venu là en tant qu'auteur pour présenter tes livres, les romans policiers scientifiques. Mais bah, c'est ça, aujourd'hui c'est pas l'auteur que je reçois, l'ingénieur en technologie immersive et surtout les jumeaux numériques. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que les jumeaux numériques? J'imagine que ce n'est pas des personnes qui ont été numérisées, peut-être pas. Non. Quoique, on ne sait jamais. Ouais. Donc, c'est quoi un jumeau numérique? Bon, en fait, c'est un terme qui n'est pas très populaire encore, on peut dire, dans l'imaginaire général. Donc, on peut dire que c'est une réplique virtuelle d'un objet ou d'un système pour faire en sorte d'imiter fidèlement le comportement et les caractéristiques de son équivalent physique. Donc, autrement dit, c'est comme un double virtuel numérique qui fait la même chose que son double réel physique. Donc, on a un objet physique qu'on veut obtenir, en fait, une simulation ou son double. Donc, l'idée là-dedans, c'est de développer une application de simulation qui va permettre de dire, OK, on est capable de connaître l'état actuel de ce objet, de ce système. Donc, ça permet finalement de faire plusieurs choses, de faire de la conception, de faire de la prédiction, de faire de la formation. Donc, ça permet quand même de faire plusieurs choses. Mais pour faire ça, pour faire ce jumeau numérique, on commence par faire un modèle 3D de l'objet en tant que tel? Oui, on commence effectivement à numériser, donc ça peut être en 3D, ça peut être en 2D, l'objet ou le système qu'on veut avoir son jumeau. Et ensuite, on utilise des outils qui permettent de communiquer entre les deux, entre l'aspect virtuel et réel. Les deux communiquent. Communiquent de manière bidirectionnelle, c'est-à-dire que le jumeau physique va transmettre l'information vers son jumeau virtuel et à l'inverse aussi. Donc, ça permet de valider l'état de l'un et de l'autre et d'influencer l'un et l'autre. Donc, si on vient un peu historiquement d'où ça vient. Ça a commencé comment, ça? L'idée, c'est qu'avant, dans les années 60 ou 70, la NASA utilisait des jumeaux physiques, par exemple pour les lancements de vaisseaux spatiaux. Eux, il y avait des simulateurs physiques qui étaient identiques aux vaisseaux qui étaient envoyés dans l'espace. Ça permettait de valider des procédures, puis de faire aussi de la formation pour les astronautes. OK, donc c'était comme un double là, de ce qui était parti dans l'espace. Comme ça, on pouvait expérimenter ou simuler ce qui se passe dans l'espace, mais on le simulait avec le jumeau qu'on avait sur Terre. Tout à fait. C'est comme ça que ça fonctionnait. Puis ça permettait de valider des procédures. Ça permettait de vérifier certains aspects là, de vol. Avant qu'il le fasse réellement là-haut. Exact. Avant qu'il le fasse en haut. Tout à fait. Donc, on s'en est servi Dans le cadre, par exemple, d'une mission, je ne sais pas si les gens se rappellent d'Apollo 13. D'ailleurs, il y a eu un film là-dessus, ouais. de Ron Howard, là, avec Tom Hanks. Donc, durant le vol d'Apollo 13, il y a une composante, un réservoir d'oxygène qui a explosé littéralement. Et puis, l'équipage s'est trouvé en difficulté de pouvoir revenir sur Terre. Donc, l'utilisation de jumeaux physiques a permis finalement de les aider, ces astronautes-là, à résoudre les problèmes qui avaient à bord. Par exemple, gestion de l'énergie. Donc, tout ça, toutes ces procédures-là ont été faites au sol pour, après ça, transmises aux astronautes pour pouvoir les aider. Ce qui pouvait aller marcher. Puis une fois que ça marchait au sol, on leur a dit, il faut faire ça et ça. C'est ça, c'est ça, tout à fait. Donc ça a vraiment permis de sauver, si on veut, la mission, puis de faire en sorte que les astronautes ont pu revenir sur Terre sains et saufs. À l'époque, on parlait pas de jumeaux numériques ou physiques, on parlait plus de système miroir. Mm-hmm. On appelle ça « mirrored world » en anglais. Donc, c'est comme dans un miroir, t'as un objet physique, puis dans le miroir, t'as son double virtuel. Donc les deux travaillaient ensemble là, pour arriver à faire des simulations. Donc, ça vient de là. Puis ensuite, plus tard, le terme « jumeau numérique » est plus apparu dans les années 2010. Quand même longtemps après. Quand les outils de conception assistée par ordinateur, par exemple, ce qu'on appelle le CAO, conception assistée par ordinateur, permettaient de concevoir numériquement des produits ou des systèmes. Donc c'est avec ça qu'on a commencé à amener le terme jumeau numérique. Mm-hmm. Donc maintenant, c'est ça, on peut faire un jumeau numérique d'un objet ou d'un système, et les expérimentations, ou en tout cas, ou les essais, ou les tests, au lieu de les faire manuellement, là, sur faire différents bidouillages, bricolages, on teste ça numériquement. Puis quand ça marche, ça envoie la commande au réel, au vrai, à l'exemplaire réel, mais il faut faire ça et ça et ça. Exactement. Ouais. Donc, c'est un peu une façon de reproduire ce qu'un système va faire. Donc, c'est dans le cadre, par exemple, quand on veut concevoir un système. Par exemple, si on veut concevoir un nouvel avion, avant de le construire, on va construire une maquette virtuelle. Puis, à un moment donné, quand l'avion physique va être présent, va être construit, on va pouvoir avoir un jumeau numérique qui fait en sorte que les deux vont pouvoir communiquer ensemble. Par exemple, aller lire l'information des capteurs qu'il y a sur l'avion, puis d'avoir l'état actuel de l'avion dans le simulateur. Donc, ça permet de faire des opérations, par exemple, de savoir quand est-ce qu'il faut faire une maintenance, par exemple, sur une composante de l'avion. Donc, le jumeau numérique va servir, par exemple, à des gestionnaires de flotte d'avions d'avoir une vue d'ensemble sur les composantes de sa flotte d'avions, en fait. Mais le capteur qui est sur l'avion réel, il nous le dit, lui, de toute façon, si on doit faire une réparation, là, il va nous le dire, le capteur. Pourquoi faut passer par le jumeau numérique? Il y a certaines composantes qui ont, des capteurs qui vont dire qu'une composante est arrivée à fin de vie, mais il y a d'autres composants ou des composants structurels, par exemple, qu'on n'a pas cette information. Donc, jumeau numérique pourrait permettre de simuler la fatigue, par exemple, au niveau des ailes, au niveau de la carlingue, au niveau d'autres composants qui n'ont pas cette caractéristique. Okay, parce que ça envoie, il y a des capteurs qui vont envoyer certaines composantes sur le nombre de vols, etc., ou peut-être les perturbations vécues par l'avion, ou les atterrissages un peu brutaux, et tout ça, ça va rentrer dans ça va être enregistré par les capteurs, et ça va peut-être pouvoir être intégré par le jumeau numérique, comme quoi ça peut fragiliser peut-être cette partie. Exact. Puis les jumeaux, on peut dire que ça s'applique à plusieurs niveaux de complexité. Là, on parle d'un avion, c'est quand même un système complexe, il y a beaucoup de composants quand même, mais on peut parler quand même à plus petite échelle, on pourrait parler d'un jumeau numérique d'une voiture, On pourrait parler de jumeaux numériques d'une installation portuaire. On peut parler d'un jumeau numérique d'une ville. Mm-hmm. Donc ça s'applique vraiment à beaucoup de domaines. Ah ouais, donc au niveau de donc une ville, une installation portuaire, je sais pas, peut-être d'autres éléments de paysage ou n'importe quel objet complexe qu'on fabrique finalement et qui a besoin de d'un entretien ou ou dont on a besoin de voir le vécu ou l'évolution. Ou l'évolution. Immeuble aussi, je sais que ça se fait pour le bâtiment aussi. Oui, donc, et puis même, il y a des villes maintenant qui ont leurs jumeaux numériques. Singapour, un jumeau numérique de la ville. Il y a aussi le port de Rotterdam qui a créé un jumeau numérique du port. Puis, on a fait aussi un projet avec le port de Québec, justement. Au CIMI, là, oui. Donc à ce fameux centre... En imagerie numérique, immédiat interactif. Ouais. On a fait un projet avec le port de Québec. Eux, il y avait une problématique au niveau sonore, c'est-à-dire il y avait des voisins, il y a toujours des voisins qui sont autour du port puis qui peuvent faire des plaintes au niveau du bruit. Mm-hmm. Puis, donc, eux, ce qu'ils voulaient, c'est avoir une idée, quel est l'environnement sonore au port? Donc, comment le bruit est produit, par quoi, quand? Et puis, donc, on a créé un jumeau du port avec toute l'information sur les équipements, les composants qui sont là, puis qui peuvent potentiellement créer du bruit, comme par exemple les trains, les camions, les déchargements de bateaux. Mm-hmm. Donc ça permettait, supposons qu'ils ont une plainte, ben ils sont capables de dire, ben ok, à telle date, à telle heure, c'est ces activités sonores qu'il y avait au port, donc sont capables de répondre, si vous voulez, à la plainte, puis dire, bon ok, on a eu cette activité portuaire qui a créé ce bruit-là. Mmh. Puis, donc, ça permettrait dans le futur d'essayer de minimiser, en optimisant les opérations, de minimiser le bruit pour le voisinage. Parce qu'on sait quand même que le bruit peut être... Il y a certaines études qui disent que le bruit peut être nuisible à la santé. Oui, quand même. Ça empêche un petit peu de dormir parfois, ou ça stresse d'avoir ce bruit en arrière-plan. Voilà. Là, des fois, ce n'est pas toujours évident. Voilà. Mais donc là, c'est un jumeau numérique, mais en même temps qui est sonore. Là, donc c'est ça qui est un petit peu plus... Donc il y a ça veut dire qu'il y a des capteurs... Oui, des capteurs sonores. Sonores, c'est ça. C'est ça, qui sont distribués partout sur... dans la zone portuaire. Ouais. Et puis nous, on va chercher l'information de ces capteurs-là. Puis donc, avec l'accumulation des données de bruit, on a aussi implémenté certains algorithmes d'intelligence artificielle qui vont permettre de faire aussi de la prédiction pour dire à telle période de l'année, on peut s'attendre à tel niveau de bruit. Mm-hmm. Fait que ça aussi, c'est un aspect quand même intéressant de pouvoir prédire. Faire la prédiction de l'environnement. Ouais. Est-ce qu'on rentre là-dedans les données météorologiques? Parce qu'un jour humide ou un jour non humide, tout j'ai l'impression que le son ne se propage pas pareil. Tout à fait. Mais en fait, ce jumeau-là est fait pour les gestionnaires du port. Puis on a intégré des tableaux de bord où justement on va afficher l'information. Ah ouais. Oui, météo... donc, qu'est-ce qui était présent, qu'est-ce qui était fonctionnel, par exemple, à telle heure de la journée, est-ce que c'était des camions, est-ce que c'était des trains, est-ce que c'était donc... Bon, on a commencé une autre phase du projet où on intègre aussi des caméras visuelles, où on va prendre des images et on va interpréter les images pour reconnaître tous les objets qui sont dans la scène, donc savoir un peu c'est quoi les mouvements... De tout ce qui est les équipements là, qui sont sur le port. Là. Et quand on passe à une échelle plus grande, là, une ville, donc dans ce cas-là, comme à Singapour, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on modélise la ville avec tous ces bâtiments, le flux des voitures? C'est ça, on veut avoir une cartographie de tous les bâtiments, on veut savoir aussi toutes les rues, les routes, les systèmes de circulation, éventuellement toutes les voitures qui circulent, aussi pour pouvoir faire de l'aménagement en urbanisme, là, pour savoir comment bien gérer, par exemple, créer des parcs ou c'est pour donc gérer aussi de manière environnementale d'une ville. Donc je pense qu'un jumeau numérique peut avoir l'avantage d'avoir la vue d'ensemble de la ville et de pouvoir mieux gérer une infrastructure. Mais là-dedans, parce que c'est comme on l'a dit, hein, c'est pas juste un modèle 3D, c'est un jumeau qui communique avec son réel. C'est ça. Donc là, les capteurs, ils vont capter quoi? Ils vont enregistrer quoi? On n'a pas besoin de les enregistrer, les gratte-ciels, ils sont là, les bâtiments, ils sont là. Est-ce que les capteurs vont capter quoi? Ben, ça peut être toutes sortes d'éléments qui sont nécessaires à une ville. Bon, tout ce qui est les points d'énergie, par exemple, tout ce qui a rapport à la circulation, les lumières. Donc, on veut savoir un peu comment la ville, comment ça circule. Mais c'est sûr que point de vue bâtiment, bon, c'est peut-être aussi point de vue emplacement du bâtiment, puis plus comment... On peut gérer, par exemple, tout ce qui est les îlots de chaleur aussi. Mm-hmm. Comment le soleil, niveau d'ombre que ça va produire dans tel endroit. Mm-hmm. Donc, ça aussi, on est capable de simuler mm-hmm. avec un jumeau numérique. Mm-hmm. Donc, il y a plein d'aspects qui sont intéressants quand même à voir dans une ville. Ouais. Là. Ouais. Puis là, dans un autre type d'application, ce que vous faites aussi au CIMI, c'est des jumeaux numériques, mais à... dédié à l'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que là, bon, on parle de système, d'objets, mais là, donc, c'est des jumeaux numériques pour enseigner. Pour enseigner, oui, tout à fait. Donc, un exemple d'application, c'est qu'on a travaillé pour un client pour développer un simulateur d'autopompe. Là. Ce sont des camions de pompiers qui permettent d'éteindre les incendies. Donc, c'est d'aider les jeunes pompiers à apprendre comment fonctionne ce camion-là. Donc, on a créé un jumeau d'un camion avec tous les composants, avec tous les systèmes hydrauliques pour pouvoir mettre les tuyaux, pour pouvoir sélectionner les manettes, tout ça, puis comment faire en sorte de gérer la pression. Donc, c'est quand même très intéressant pour les étudiants pompiers de pouvoir se former sur un jumeau virtuel avant de tomber sur le vrai camion, en fait. Ouais. C'est ça l'idée. Fait qu'on a, donc, ils sont capables de vraiment reproduire toutes les manipulations qu'ils vont faire sur le terrain. En tant que pompier. Mais là, la communication entre le jumeau et le vrai camion, c'est quoi? Ben, là, pour l'instant, c'était pas un enjeu. On parle juste seulement d'un modèle 3D. Okay. Mais éventuellement, on pourrait aller plus loin en faisant peut-être un lien là, avec le camion sur certains aspects. De capteurs. Parce que finalement, ça me fait penser au... Le mot m'échappe, là, mais pour apprendre à piloter un avion ou un simulateur de vol. Voilà, merci. Donc là, c'est comme un simulateur de camion pompier, finalement. Oui, exactement. Mais on n'est pas encore dans le... Donc c'est un simulateur, mais on n'est pas encore dans le jumeau numérique qui interagit avec le réel. Non, c'est ça. À proprement parler, on ne l'est pas encore. Ce qu'on est plus... C'est une autre application qu'on a fait, c'est avec... Une entreprise qui font, eux, des outils d'enseignement industriel. Par exemple, ils vont faire un banc de test, par exemple, pour travailler dans une usine de chimie, par exemple. Donc, eux, ils font le banc physique où les étudiants peuvent se former. Nous, on a créé, ils nous ont demandé, en fait, de créer un jumeau numérique de ce banc de test-là. Donc, on a créé un modèle 3D et aussi, on communique avec le banc de test physique en allant chercher les données de ce qu'on appelle des automates programmables qui permettent de faire des manipulations de colonnes d'eau, d'envoyer des fluides dans des tuyaux. Okay. Donc, ça permet... Donc, le jumeau, lui, on contrôle vraiment ce que le banc physique fait. Donc, virtuellement, on peut le contrôler à distance. Fait que l'étudiant peut, à distance, se former sur le jumeau numérique, mais peut aussi interagir avec... le banc physique. Donc, on peut contrôler les éléments physiques. Là, on parle vraiment d'un jumeau parce que on a vraiment une communication là, bidirectionnelle donc, entre les deux. Donc, il existe vraiment un banc physique, oui, du banc physique. Du laboratoire de chimie. Là, de, voilà. Et là, on peut donc s'entraîner à, ouais. Bon, à faire ces expériences, peut-être des fois qui sont un peu délicates, s'il y a des appareils un peu dangereux, là, parfois, exact. Ou des solutions un peu dangereuses. Oui. Donc, on peut et puis apprendre à utiliser l'appareillage, là, les équipements qui ne sont pas toujours si simples que ça non plus. Non, puis ça peut être aussi des équipements dispendieux. Ouais. Supposons qu'on a des équipements justement qui sont dans des domaines vraiment, bon, je ne sais pas, ça peut être en biotechnologie, qui ont des équipements très dispendieux. Ben, tu ne veux pas que les étudiants arrivent sur ces équipements-là puis risquent peut-être de faire de les briser ou de faire quelque chose. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire un jumeau qui va former sans finalement prendre l'équipement là, par plusieurs étudiants en même temps. Ah ouais. Puis, à la blague, là, on disait tout à l'heure, au tout début, que les jumeaux numériques humains n'existent pas encore, mais on le disait un petit peu à la blague, parce qu'il y a quand même des applications dans le domaine médical. Oui, moi, je pense que c'est une super belle application qui s'en vient. Ça serait d'appliquer les jumeaux numériques à la biologie et à la médecine. Donc, imagine qu'on fabrique le jumeau numérique de Valérie, par exemple. Et puis, donc, on est capable de simuler ton environnement biochimique interne avec des biomarqueurs. Donc, l'idée d'avoir un jumeau permettrait, par exemple, d'être plus précis sur tel médicament à te prescrire. Ah, oui. Ça pourrait être aussi aider à la découverte de nouveaux médicaments. Au lieu de tester sur des humains, ben on pourrait tester d'un premier temps sur un humain virtuel, jumeau virtuel qui est capable de se comporter comme un humain. Mm-hmm. Fait que ça, je pense, c'est un avenue assez intéressant d'utilisation de jumeaux numériques dans le domaine de la médecine. Mais là, faut être capable de rentrer dans le jumeau toutes les caractéristiques physiques, biologiques de la personne. Oui, oui. Je pense que c'est sûr que c'est un challenge. Pour l'instant, c'est quand même ambitieux. Ouais. Il y a quelques compagnies qui sont dans le domaine, comme par exemple, ici à Québec, on a une compagnie qui s'appelle BioTwin. Qui, eux, se servent de jumeaux numériques pour tester des médicaments. C'est ce qu'ils ont développé ici. Puis c'est quand même une avenue, moi, je suis très stimulant d'application des jumeaux numériques, que je trouve vraiment intéressant, puis qui s'en viennent dans les prochaines années. Depuis le port de Québec, en passant par, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi donc des applications sur des forêts et autres. Là, il y a vraiment toutes sortes d'applications jusqu'au jumeau numérique, l'humain. Oui. Donc ça fait quand même pas mal de chemin. En terminant, Eric, est-ce que tu peux nous parler rapidement du CIMI en 2-3 minutes? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont développées dans ce domaine-là quand même au CIMI. Oui, en fait. Le CIMI, on est un centre d'accès à la technologie qui fait toutes sortes de projets, qui aide les entreprises surtout à faire de la recherche appliquée. On dit recherche appliquée en opposition à recherche fondamentale. Donc, on développe surtout des applications logicielles. Donc, on a plusieurs clients, ça peut être autant des clients privés, en fait. On a 70% de nos clients, c'est privé. Le reste, c'est des organismes à but non lucratif, des ministères. Donc, on fait la recherche. On est une équipe dédiée de professionnels, pas des enseignants. Vraiment, on travaille seulement sur des projets clients. Mm-hmm. Et puis, on existe depuis 2008. Moi, ça fait ma 15e année que je travaille au CIMI. Moi, je viens du domaine de la recherche. J'ai travaillé longtemps plus dans le domaine de la photonique, puis j'ai dérivé vers des projets de vision robotique. Ah oui? Et puis je me suis joint au CIMI en 2010. Et puis je pense que le modèle du CIMI, c'est un peu un modèle qui est d'être un réseau. Donc on appartient au réseau des CCTT. Oui, puis ça, c'est les CCTT, c'est centres collégiaux de transfert de technologie. Qui sont rattachés au Cégep. Sont rattachés à des cégeps. Oui, donc là, le CIMI, il est rattaché au cégep de Sainte-Foy. Ouais. Mais on est quand même indépendant dans le sens qu'on a notre propre CA. Donc, on on est quand même assez indépendant. Puis les autres CCT, il existe 58 autres CCT au Québec. Mm-hmm. Puis chacun dans sa spécialité. Il y en a en biotechnologie, il y en a en mécanique, en électronique, télécommunication. C'est très, très vaste comme sujet. Puis nos expertises à nous, c'est, on parle de traitement d'images, traitement de données, intelligence artificielle, jumeaux numériques, évidemment. Mm-hmm. Et puis applications web et mobile. Mm. Fait qu'on est quand même, on nous dit qu'on est une équipe multidisciplinaire. Vous êtes combien? On est une équipe de près de 25 personnes. Ah, c'est quand même important, là. C'est quand même un gros centre de recherche. Oui. On ne les connaît pas tellement, hein, ces centres de recherche rattachés comme ça au Cégep, mais il se passe beaucoup On dit malheureusement qu'on est toujours un secret bien gardé. Oui, c'est ça. On a hâte de ne plus être un secret. et en plus, c'est quand même des recherches qui sont directement appliquées, des projets qui sont développés avec les directement industriels. Directement, aider les clients directement dans leur... avancer à eux là, de développement de produits. Mm. Donc, on agit directement avec les entreprises. Mm. Donc, oui, c'est un réseau à connaître. Et puis, on espère que de plus en plus de gens vont en parler. Ben oui. Ben moi, je veux bien en reparler. Tu pourras revenir si tu veux en parler, ou toi ou tes collègues. Ouais. Ce sera toujours un plaisir. Ben, merci beaucoup, Eric, de nous avoir fait découvrir ces jumeaux numériques, en attendant de voir un jumeau numérique de Eric. Tout à fait. Je préfère continuer à parler avec le vrai. Oui, bon, ben parfait. Écoute, ça me fait plaisir, Valérie. Puis merci encore de m'inviter. Ta super émission. Oh, merci. Et puis, je vais te souhaiter un bon temps des fêtes. Ben demain, Eric. Alors, je rappelle que Eric Harvey est directeur des technologies immersives et jumeaux numériques au CIMI, le Centre d'imagerie numérique et médias interactifs.